présent. Tout me semble fragile, ce serait facile, lui et moi maintenant. De toi que je m'ennuie toute seule le temps des nuits, tout me pousse-t-il vers lui et tout de moi soudain t'oublie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Je t'aime.